Au milieu d'un mois de septembre, naît dans ce monde mystérieux. Jamais vu un cœur aussi tendre, jamais vu tes yeux aussi bleus. Après avoir tant souffert, il a trouvé sa belle étoile, qu'il a enfin sorti de l'enfer en un seul petit coup de voile. C'est devenu mon ange. C'est devenu mon ange. C'est devenu mon ange. C'est devenu mon ange. C'est devenu mon ange. C'est devenu mon ange. C'est devenu mon ange. Cet homme retrace son parcours, la tête haute regarde autour. Sa vie paisible bercée d'amour, il ne demande qu'à suivre son cours. Grattant sa guitare jusqu'au soir, il met ses textes en relation avec beaucoup trop d'émotions. Et chaque chanson est une victoire. C'est devenu mon nom. C'est devenu mon nom. C'est devenu mon nom. C'est devenu mon nom. C'est devenu mon nom. C'est devenu mon nom. C'est devenu mon nom. C'est devenu mon nom. Cet homme, c'est mon père, ma fierté. Cet homme, mon père adoré.